Yeah, futur proche. Futur proche. Axis. Axis. ATK Pandore. ATK Pandore. Yeah, non aime. Yeah, yeah. Encore un énième couplet, coupé avec du rhum. Encore un énième couplet. Ok, yeah. Un, deux, un, deux. Encore un énième couplet, coupé au goût du sol. Sur un air de déjà vu et ça me lasse tout comme les coups du sort. Mais je l'aime tellement, tellement que je finis par la chanter. Et je bois bêtement, bêtement que je me détruis la santé. Pour être stylé les ados, préfère dîner de la dope. Alors j'ai décidé de prendre ma destinée dos à dos. Et je prends ce don comme un cadeau empoisonné. Ça devient dur et dis-toi c'est les mots d'un passionné. J'avance comme je peux à base d'art et d'astuce. À base de rimes et me parle pas de mon statut d'artiste. À l'aveuglette tes novices sont comme des porcelaines. Ça joue des coups et quand ça casse les plus forts se lèvent. Pendant que certains rêvent de bif et de corps de rêve, d'autres rêvent de vivre ailleurs que sur la corde raide. S'il reste encore de l'aide, saisirai bien une main tendue. Bien entendu, je te rendrai l'appareil quand ce sera moins tendu. Aux premières loges, à chaque lever de soleil, ça te fait même plus sourire. T'as perdu le sommeil à choisir de vivre comme une chauve-souris. T'établis tout un dispositif pour rester positif. Parfois y'a tout qui t'horrifie, parfois tu te poses et tu kiffes. Y'a des jours avec, des jours sans, des coups de foudre et puis des coups de sang. Tout me semble troublé, ça en devient étouffant pour les blessures du quotidien. Y'a ni remède ni pansement, mais en ce moment c'est carpe diem, c'est pas plus mal en y repensant. Sur la corde raide, éloigné de tes rêves, je perds mon temps, c'est que mon temps, ça mes frères se lèvent. J'traîne ma haine et ma dégaine, et mon air insolite. Dis-toi l'ami, j'ai la tête dure, et puis l'air insolite. Sur la corde raide, éloigné de tes rêves, je perds mon temps, c'est que mon temps, ça mes frères se lèvent. Je traîne ma haine et ma dégaine, et mon air insolite. Dis-toi l'ami, j'ai la tête dure, et puis l'air insolite. J'aurais dû t'en quand j'étais sous Sky. Maintenant dis-leur que c'est dead, j'suis comme Sob, j'compte sur l'argent de la rue, pas décédé. Dis-leur que j'dis pas de la merde, que j'ai plus le temps à perdre, que j'fasse mes dièses vite avant que le démon m'appelle. C'est vrai qu'ils font de la peine, ces fiottes à rapper mon vécu. J'ai arrêté les études pour les gros culs et les écus. J'dois douiller gros, j'irai le faire pour un gros billet vert. De l'éthanol dans les veines, j'resterai pas en bas de l'échelle. Le temps m'échappe donc les minutes sont chères. Faut que j'amasse beaucoup de pascal pour que les pétasses s'enchaînent. Sans la corde raide, mais je vis sans stress. Des pions par centaines, ma tête un vrai sentier. C'est allumé, on tend le fil pour faire les acrobates. Mais peu de morbacs tiennent dessus. Moi je serai pas le gros black à la fin qui meurt dans le film. Alors je cravache la vie un corps de rêve et je le saigne. Mais faut pas que la corde raide cède et devienne une cravate. J'avale l'impuissance qui me brise l'osophage. Y'a le talent, mais pas d'échange équivalent, pas de pierre philosophale. Je fais mon trou comme Pandore, quoi les necfeux. Si tu crois que tu m'endors, lyrique sans nom nerveux, je passe par la net feu. Je précifie que tu comprennes l'impasse. Leur syntaxe en sympa demande de faire un pas en face d'un précipice. Beaucoup vivent dans une tombe de larmes. Les miennes sont sèches, le seum sans sève, une feuille sans sève qui tombe de larmes. Sur la corde raide, éloigné de tes rêves, je perds mon temps, c'est que mon temps, ça mes frères se lève. Je traîne ma haine et ma dégaine, et mon air insolite. Dis-toi l'ami, j'ai la tête dure, et puis l'air insolite. Sur la corde raide, éloigné de tes rêves, je perds mon temps, c'est que mon temps, ça mes frères se lève. Je traîne ma haine et ma dégaine, et mon air insolite. Dis-toi l'ami, j'ai la tête dure, et puis l'air insolite. Dans mon cerveau, à l'architecture sombre, l'anarchie est une bombe. Y'a pas de chimère à Paris, mais par magie, je fais du son. Tu me vois peut-être alarmiste mais tu te trompes. C'est la vie, je rappe pour les petits mecs dès la primaire qu'on a mis près du fond. Il s'agit d'exclusion au pays des droits de l'homme. Mais les rues grondent quand les plus cons obéissent et charbonnent. L'argent est roi, faudrait quitter le royaume. Avant les lois, y'a nos idées, va te faire niquer. J'écris mille textes loyaux. L'accord des raids, mec, ma horde est prête, mec. Apporter le chèque, je fais rien sans l'accord des frères. Yeah. On fait du lourd avec Arce et Pandore. Moi j'ai pas fait tant mort, mais je vais taffer pour que t'achètes encore. Café une MC, mon fond est amer, mais je fais péter la forme. T'es la bête, puis dresser la corde. Yeah. Dépose le mic, hein, je sors de l'arène, corde balai. Mais j'ai la ceinture avec le grappin, toutes sortes de gadgets. Fall, tu kiffes quand le bouc fait surface. Je lâche un putain douce fait sur place. L'argent est l'air de la guerre, cherche l'effort de paix. Même sur la corde raide, je peux pas faire de la merde. J'ai des grossesses dans mon teddy. Eh les gars, dites au chef d'état que nul n'est prophète dans son pays. J'ai les mixtapes et les structures d'or. Tu testes, puis le cimetière sera ton futur port. Sur la corde raide, éloigné de tes rêves, je perds mon temps, c'est que mon temps, ça mes frères se lève. Je traîne ma haine et ma dégaine, et mon air insolite. Dis-toi l'ami, j'ai la tête dure, et puis l'air insolite. Sur la corde raide, éloigné de tes rêves, je perds mon temps, c'est que mon temps, ça mes frères se lève. Je traîne ma haine et ma dégaine, et mon air insolite. Dis-toi l'ami, j'ai la tête dure, et puis l'air insolite. D'accord, je te l'accorde, c'est dense sous la pression, trop tendu. Les nuages craquent, débordent dehors, il pleut des cordes de pendule. Lignes parallèles comme des barreaux. On s'y accroche comme des bades, on s'y approche, si serré qu'ils écorchent comme des garrots. Est-ce qu'ils meurent tristes ou bien tristes, envie nous maintiennent, tout coupe-t-il le souffle. Où est ton seul salut que tes mains tiennent. Les bras tendus en voie d'extinction, à force de crier c'est l'extinction. Deux voix et tu ne peux plus briller, ou seulement dans leur œil sous leur dissection. Mais c'est le deuil, j'ai bien bien reçu votre accusé de déception. Au bout d'une corde qui m'entraînerait, je lâcherai ce qui me pousse dans le rabbin, pas ce qui me retient, c'est ceci que j'entraînerai. On vit nos vies sans réfléchir, des fois à 100 à l'heure, parfois on se trompe. Nos ambitions fixées sur à l'heure, toujours sur la corde raide, et c'est pas prêt de s'arranger. Tendant que je garde le monde et rien n'a jamais changé. Ils veulent qu'on travaille pour survivre, qu'on travaille pour les enrichir. À l'OTAF tous les jours, tenir le coup sans réfléchir. Je perds des proches en chemin, gardez-moi une petite place. J'essaye d'avancer, mais quoi que je fasse, le temps passe. 15 ans que j'écris des textes, et j'ai toujours des choses à dire. La vie se complique, c'est vrai, mais je garde toujours du temps pour rire. Et si le sort ne me tue pas, ne laisse pas t'affaiblir. C'est ce que m'a dit Freddy, juste un peu avant de partir. Sur la corde raide, éloigné de tes rêves. Victoire pas future, j'écris mes.